should be faster. It should be, you know. He said, yeah, it's not slack. According to how, you know, according, the Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is not suffering to us world, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, people will just live here, for example. Okay, they live, nothing happened to them. They are just saying, it's not slack. Praise the Lord. And, Amen. Give people time. Repent. Repent and come to me. Und Leute denken, dass der Herr langsam ist. Und deswegen geben sie auch Dinge ungern in seine Hände, weil sie denken, das dauert mir zu lang. Ich mache es lieber auf meine Weise, damit es schneller vorangeht. Aber der Herr schläft nicht. Ne? Er zögert seine Verheißung nicht hinaus, wie etliche es vermuten. Ne? Auch genauso, wenn Leute diese Gemeinde verlassen, dass sie dann denken, okay, bei denen läuft es doch immer noch. Bei denen läuft es sogar noch besser als vorher. Ist doch nichts passiert, ist doch alles gut. Aber er gibt Raum zur Buße. Aber danach wird abgerechnet. Nein. Et on peut voir aussi dans verset 9 que certaines personnes tiennent à meurent pour toujours, mais ils veulent que tout arrive en changeant leur vie. Non, à Nasrom. Pour certains, le Seigneur travaille pas assez vite. C'est pour ça qu'ils ont de temps en temps des difficultés à tout soumettre à Jésus-Christ. Mais on doit être conscient que Jésus-Christ va jamais accélérer ses promesses ou tout ce qu'il a dit pour un individuel. Au contraire, il donne le temps à certaines personnes de se repentir. Tout comme certaines personnes vont dire, ok, ils ont quitté l'église et rien n'a changé dans ma vie, ou même au contraire, tout marche, tout fonctionne maintenant pour nous aujourd'hui. On doit être conscient que tôt ou tard, si c'est pas Jésus-Christ qui paye le prix pour toi, c'est toi-même qui vas payer ce prix. Praise the Lord. Amen. He always wants people. He gives them time to return to him. Amen. He gives people time to return to him. Zeit zurückzukehren. Zeit umzukehren. Amen. Il nous donne toujours le temps de retourner vers lui si on l'a quitté. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And verse 10. Let me just read it. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heaven shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also, and the works that are therein, shall be burned up. Praise the Lord. Hallelujah. He's coming back. He's not a man that should lie. Er kommt zurück, er ist kein Lügner. Jésus-Christ va revenir, ce n'est pas un homme qui ment. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un bruit terrible. Le feu détruira les étoiles du ciel. La terre et les actions de ses habitants seront jugées. Praise the Lord. Hallelujah. And again, that of Abraham, Lot followed him. And the wife also. Zurück zu dem von Abraham. The fathers of his family had followed. Abraham will not say, no, don't follow me. Auch bei der Situation mit Abraham Lot, ne, hätte noch jemand anderes gesagt, ey, ich will auch mitfahren, hätte er auch nicht gesagt, nee, wir haben keinen Platz mehr, sondern hätte gesagt, alles gut, dann komm mit, wir finden einen Platz für dich, ja. Et c'est la même chose avec l'histoire d'Abraham. Lot a voulu suivre Abraham et Abraham l'a pas dit que non, tu vas pas venir avec moi, tout comme sa femme aussi l'a suivi. Si d'autres personnes, si d'autres membres de sa famille auraient voulu le suivre, il aurait jamais rejeté ces personnes. Praise the Lord. Hallelujah. It is people's choice to choose hell. Es ist die Wahl der Leute, sich für die Hölle zu entscheiden. Es liegt in ihrer Hand. Chacun a le droit de choisir le ciel ou l'enfer. It is people's choice to choose heaven. Es ist choose Christ. Die Entscheidung der Leute, sich für den Himmel zu entscheiden, sich für Christus zu entscheiden, es liegt auch in ihrer Hand. Encore une fois, donc c'est à nous de choisir soit l'enfer ou Jésus-Christ. Et en même temps, le royaume des cieux. Amen. Amen. Matthieu 25. Go to Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu 25. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Matthieu 25, verse 14. Verse 41. Verset 41. Here the Lord help us to know that God did not create hell for man. Hier erklärt uns der Herr, dass die Hölle nicht für den Menschen erschaffen worden ist, ursprünglich. Ici, l'Éternel nous explique que l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Amen. Amen. Then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, you cursed, into everlasting fire, prepare for the devil and his angels. Hell was supposed to be for the devils and his angels. Die Hölle ist, war eigentlich für die Teufel, für den Teufel und seine Engel. Mm. Aber Leute gehen mit. On peut voir que l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Praise the Lord. Hallelujah. Lot followed Abraham. Lot ist Abraham gefolgt. Lot a suivi Abraham. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Was it really Abraham he followed? Amen. Amen. It was as if he followed Abraham. Was it Abraham he followed? So also is Ruth. Ruth followed Naomi. Was it Naomi she followed? Und followed God? Man muss sich fragen, okay, ist Lot Abraham gefolgt oder ist jemand anderem gefolgt? Ne? Ist Ruth Naomi gefolgt oder ist sie jemandem anderem gefolgt? Na, Ruth ist Gott gefolgt und genauso auch Lot Gott gefolgt. Amen. On a se posé la question, est-ce que Lot a vraiment suivi Abraham ou quelqu'un d'autre? Est-ce que Naomi, non, est-ce que Ruth a suivi Naomi ou quelqu'un d'autre? Les deux ont suivi l'Éternel. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If you look at them, you know, somebody will say, oh, why should they follow somebody? Amen. Mm. Follow. You know, if you go to Mark 10, let's go. Mark 10, we always come here. The rich young ruler. Mm. Jesus said, go and sell everything so that you can follow me. Mm. He said it there. John, Mark 10, verse 21. Mm. So that you can follow me. You have to leave everything behind. Ja. Und wenn man sich diese Menschen anguckt, ne, ob es jetzt Lot ist oder ob es jetzt Ruth ist, würde man sagen, okay, das sind ja voll die Mitläufer. Die haben Gottes Stimme noch nicht mal persönlich gehört und wollen jetzt irgendjemandem nachlaufen, der sie gehört hat. Aber nein, da ist viel mehr dahinter. Ne? Und wir sehen das auch jetzt im nächsten Vers. Si on regarde l'exemple de Lot et de Ruth, par exemple, on peut dire que ces gens sont seulement, ils ont seulement suivi quelqu'un sans avoir entendu la voix de l'Éternel. Le prochain verset va nous aider à mieux comprendre qui ils ont suivi. It's not about following man, it's about following Christ or Satan. Es geht nicht darum, den Menschen zu folgen, sondern es geht darum, Satan oder Christus zu folgen. Weil auch am Ende des Tages folgt der Mensch eigentlich nicht dem Mensch. Der Mensch folgt entweder Christus oder dem Satan. Amen. Jamais de suivre l'homme. On a l'impression qu'on suit soit l'Éternel ou on suit le diable. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, when Lot followed Abraham, it was as if he followed man. Als Lot Abraham gefolgt ist, schien es so, als ob er Menschen gefolgt ist. Quand Lot a suivi Abraham, c'était comme s'il avait suivi l'être humain. Just like if you follow me, it's as if you follow man. Genauso, wenn du mir folgst, scheint es so, als ob du einer Person, einem Menschen folgst. Tout comme quand tu me suis, c'est comme si tu me suis comme une personne. Amen. Amen. But if you look at Ruth, this lady followed Naomi. Amen. It was as if this woman was just following a woman, a person. Yeah. Oder auch wenn du dir Ruth und Naomi nochmal anschaust, es sieht so aus, ob Ruth einfach nur einem Menschen gefolgt ist, ihrer Schwiegermutter gefolgt ist, aus Mitleid oder sonstigem. Et si tu vois même Ruth et Naomi, tu vas penser que Naomi de suivre Ruth, c'est comme si tu es en train de dire qu'une femme est en train de suivre sa belle-mère. Mais c'était plus que ça. Elle suivait le Christ en elle. Amen. Aber es war mehr als das. Amen. I am not a man. I am not a man. Ich bin kein Mensch. Moi, je suis pas juste une femme. I am Christ. Ich bin Christus. Je suis Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. The Bible said, as he is, so I am. Denn so wie er ist, so bin ich, sagt die Bibel. Parce que la Bible nous dit que comme tel qu'il est, que c'est comme ça que nous sommes aujourd'hui. And that's why once you come to me, once you follow me, I don't have any other thing to give you except Christ. Wenn du mir folgst und du mir nachgibst, habe ich dir nichts weiteres zu geben als Christus Jesus. Ich gebe dir das weiter, was ich bin. Et c'est pour cela, quand tu me suis, je n'ai rien d'autre à te donner que le Christ que j'ai. Et je te donne ce que j'ai et ce que je possède. Amen. Amen. Every Everywhere in the Bible talks about, you know, Jesus said he is in us. I am in him, he is in me. Überall in der Bibel lesen wir, dass John 14, er in uns ist und wir in John 17. ihm sind. Dans ces ganzen Stellen lesen wir das. On peut voir partout dans la Bible que l'Éternel dit qu'il est en nous et que nous sommes en lui. Amen. Amen. The first John 3 also. 1 Johannes 3, 25. Told me, no, revealed to us, 24. Amen. I'm not a man. Da offenbart er uns, wie wir in ihm sind und er in uns. Wir sind, ich bin kein Mensch, ich bin nicht zwei, ich bin eins, ich bin Christus allein. Dans Jean aussi nous. Il nous révèle comment être un avec lui, comment demeurer en lui et comment lui demeure en nous. Il nous dit qu'il n'est pas deux, mais il est un. Praise the Lord. Hallelujah. 1 John 4, verse 17, said, as he is, so are we right now. 1 Johannes 4, it's not after how you die. Steht, it is dead. 1 John 4, 17. 1 Johannes 4, 17 steht, so wie er ist, so sind wir jetzt hier auf dieser Welt. Nicht erst, wenn wir sterben, sondern jetzt schon. Et aussi dans 1 Jean 17:4 par exemple, il nous dit que comme il est, nous sommes aujourd'hui, nous sommes maintenant, pas qu'on le sera après la mort. You understand, you got it, please. In 1 Corinthians 11, let's go to 1 Corinthians 11, because of time, other places we did not go, but let's go to 1 Corinthians 11. 1 Corinthians 11. Praise the Lord. 1 Corinthians 11. 1 Corinthians 11, verse 1. Look at, you see it. Look at somebody, what he said here. Be ye followers of me, even as I also am of Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. I'm not telling you, follow me as my daughter-in-law, as a mother. Follow me. As Christ. Ich sage nicht, folgt mir Because als I'm Christ. It's all about Christ here. Ich sage nicht, folgt mir hier als ältere Dame oder als Mutter oder als Schwiegermutter, sondern folgt mir als Christus, weil ich Christus bin. So wie er es hier sagt. Moment, ich muss wieder zurück zu übersetzen, sorry. Imitez-moi comme moi, j'imite le Christ. Ça c'est Paul qui l'a dit ça dans les lettres aux Corinthiens. Tout comme aujourd'hui, moi aussi, je peux vous dire, suivez-moi ou alors imitez-moi comme moi, j'imite le Christ. Ne me suivez pas en tant que ma fille ou alors ma belle-fille, non. Parce que moi, la personne que je suis, c'est Jésus-Christ. Et quand vous me suivez, vous suivez automatiquement Jésus-Christ parce que pour moi, il s'agit seulement de lui. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It's also here in 1 Corinthians. 1 Corinthians 4. Look at it. 1 Korinther 4 sehen wir das auch. Amen. You see there? Let's read from 1 Korinther 4, 14. 1 Korinther 4, verset 14. He said, I write not these things to shame you, but as my beloved sons, I warn you. Who is talking here? Paul. Amen. Paul is speaking here. Paulus spricht hier. C'est Paul qui parle ici. Amen. For though you have 10,000 instructors in Christ, yet have you not many fathers? For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Wherefore I beseech you, be ye followers of me. Do you see this? Ich sage noch mal, folgt mir nach. Seid meine Nachfolger. Ici encore une fois, Paul nous dit de le suivre. Praise the Lord. Because you never follow me and not follow Christ. Du folgst mir nicht, ohne Christus zu folgen. Das geht gar nicht. Parce que c'est impossible de me suivre sans suivre Jésus-Christ. Amen. Amen. Paul said, follow me because I am of Christ. Paulus sagt, folgt mir, weil ich zu Christus gehöre. Paul nous dit, suivez-moi parce que j'appartiens au Christ. Und das sage ich auch heute. Über mich folgt mir, weil ich zu Christus gehöre. Amen. 1 Samuel 8. Amen. 1 Samuel 8. You never follow man. It's either you follow Christ or you follow Satan. Wir folgen niemals dem Menschen, entweder folgen wir Christus oder dem Satan. On ne suit jamais l'être humain, soit on suit Jésus-Christ ou le diable. Amen. Amen. They thought they were rejecting Samuel. Sie dachten, sie verweigern Samuel. Les gens ont cru qu'ils sont en train de rejeter Samuel. But God said, you are rejecting me. Aber Gott hat gesagt, ihr verweigert mich. Mais l'Éternel a dit que vous êtes en train de me rejeter. Praise the Lord. Halleluja. 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. Praise the Lord. Halleluja. If we read this from verse 1, here is very interesting. Because the problem even came from Samuel. Das Problem kam sogar von Samuel. On peut voir que ce passage est très intéressant parce que le problème comme tel est venu de Samuel. Amen. Amen. Amen. The problem came from him. Das Problem But kam God von ihm. Aber Gott hat ihm nicht die Schuld dafür zugesprochen. On peut voir que le problème venait de Samuel, mais Jésus-Christ, mais Dieu n'a pas cherché la faute chez Samuel, plutôt il n'a pas to blame. Blame. Amen. Amen. Ouais, ja, parce que mein Wort. Ich guck gleich. Dankeschön. And it came to pass, when Samuel was old, that he made his son judges over Israel. Now the name of the firstborn was Joel, and the name of the second, Abia. They were judges in Beersheba. Verse 3. And his sons walked not in his ways, but turned aside after luxury. And took bribes and pervert judgments. Praise the Lord. Hallelujah. You see the son, they were like cursed. Die Söhne waren wie ein Fluch für ihn. On peut voir que ses enfants étaient comme une malédiction pour lui. Ich sage es immer wieder, es ist besser, keine Kinder zu haben, als Kinder zu haben, die zu einem Fluch werden. Je le dis toujours et je le répète, c'est même mieux de pas d'avoir enfant au lieu d'avoir des enfants qui deviennent une malédiction pour vous. And because of the children, they were now against God. Und wegen den Kindern waren die Leute gegen Gott, wegen den Kindern von Samuel. Et à cause de les enfants de Samuel, on peut voir que le peuple était maintenant contre Dieu. You see it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, the Lord wants us to multiply. Der Herr will, dass wir uns vermehren. L'Éternel veut qu'on se multiplie. Amen. If you are married, you have to have children. You have Wenn to du, bear fruits. Verheiratet bist, solltest Because du Kinder children, haben und Frucht bringen. Your child is going to even train other children to come to Christ. No. Because you are going to bring them up in Christ's way. Mm. That is even the reason why you are able to have children. Mm. If that is enough reason. Mm. That if these children come, then these children will be trained to now also. They will now bring other people. You know, if you and me, we are not here, who is going to preach? Mm. If God's children are not here, they are all of them, they are only those people. Then who is going to preach? Ja. Ja. Und der Herr möchte, dass wir uns natürlich im Königreich Gottes auch physisch vermehren, weil der Herr möchte auch, dass es mehr Kinder Gottes auf dieser Erde gibt. Weil wenn es diese Kinder Gottes hier auf Erden nicht gibt, wer soll dann zu den Leuten predigen? Ne? So, wo soll Buße geschehen, wenn es keinen Verkünder gibt? Ne? Das ist halt das, auch, was die Bibel sagt. Und deswegen sollen wir vermehren. Wenn das der einzige Grund ist, weshalb wir Kinder bekommen wollen, dann praise the Lord, ne? Um einfach das Königreich Gottes physisch sozusagen zu vermehren, damit es mehr Repräsentanten gibt. Und l'Éternel, encore une fois, il veut qu'on se multiplie. Donc, si vous êtes Marie en Jésus-Christ, l'Éternel veut que vous puissiez avoir des enfants, comme ça, ces enfants. Parce que ces enfants vont être élevés, éduqués en Jésus-Christ. Donc, ces enfants aussi vont aussi prêcher la vérité afin que d'autres enfants, d'autres personnes peuvent aussi venir vers l'Éternel. Et si ça, c'est la raison pour laquelle vous voulez avoir des enfants, gloire à Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It's good for husband and wife. If you are already married, have children. Because those children, they don't have the job for them also. Mm. Amen. Yeah, they are going to bring people into the kingdom of heaven. Amen. If we imagine if everybody would be just like Paul, that did not have any child. Amen. Mm. No one will be preaching today. Mm. That is not the right way. Mm. Praise the Lord. Halleluja. Ne? Und der Herr möchte eben, dass wir halt Kinder bekommen, damit diese Kinder halt auch ihre Mission weitertragen, nämlich Christus zu verkündigen, weil ne, wäre jetzt jeder so wie Paulus, gäbe es gar keine neue Generation mehr, die Christus weiterführt. Ne? Also so auf diese Art und Weise. Und deswegen will der Herr auf jeden Fall, dass wenn wir verheiratet sind, dass wir auch Kinder auf diese Welt bringen, die Christus repräsentieren. Parce que l'Éternel veut vraiment que si les gens sont unis, enfin, si hommes et femmes sont unis en Jésus-Christ, sont mariés en Jésus-Christ, que ces enfants, que ces personnes aussi ont des enfants afin que ces enfants puissent ramener d'autres personnes vers Jésus-Christ. Parce que imaginez-vous que si chaque enfant de Dieu est maintenant comme Paul, qui va, à un certain moment, il n'y aura plus de personnes qui peuvent donner la vérité à d'autres personnes, donc personne ne pourra venir vers Jésus-Christ. Fine. Praise the Lord. Hallelujah. You know, somebody will say, Timothy. Paul called him son, though he did not have son. Yeah, it's somebody that gave birth to Timothy. Okay. If Timothy was not giving birth to, you will not see anybody to preach to that. You will call your son. Mm. Ja, Leute können doch sagen, ja, aber Paulus hatte doch Timotheus, ne? Der war doch auch da. Irgendjemand hat ja Timotheus hergebracht. Ne? Der wurde ja nicht einfach so erschaffen. Ne? Also, ne, es gibt zwei Geburten. Eine Geburt, die passiert auf diese Welt, ne, in diese Welt hineingeboren, aber danach auch in diesen zweiten Schritt in das Königreich Gottes hineingeboren. Und die eine Geburt braucht halt die andere. On doit être conscient qu'il y a deux naissances. Il y a une fois la naissance ici sur Terre, il y a la deuxième naissance et une naissance spirituelle. Et il peut pas avoir une naissance spirituelle sans avoir une naissance naturelle. Ouais. Amen. Amen. If if Timothy's father was like Paul, there would be no Timothy for Paul. Wenn Timotheus Vater so wäre wie Paulus, dann gäbe es Timotheus ja gar nicht, weil Paulus ja keine Kinder hat. Amen. Und deswegen, also si par exemple le père de Timothée était comme Paul, Paul n'aurait jamais eu la possibilité d'appeler Timothée son fils parce que Timothée n'aurait pas été sur terre. Amen. Amen. Verse 4. And all the elders of Israel gathered together. Amen. Gathered themselves together and came to Samuel unto Ramah and said unto him, behold, thou art old. And your sons walk not in the ways. Now make us a king to judge us, like all the nations. Praise the Lord. Hallelujah. Now see, that problem was coming from even Samuel. Wir sehen, dass dieses Problem sogar von Samuel kam. Why they rejected God. Weshalb sie Gott verweigert haben. On peut voir que le problème venait de Samuel plutôt, ou alors de la famille de Samuel, parce que ouais, c'était la raison pour laquelle le peuple a maintenant rejeté Samuel. Verse 6 said, but the things displeased Samuel. Verse 6. Amen. It displeased Samuel, and so also many things people come to me with things it displeased me. Und das. The things displeased Samuel. Und dieses Wort, was vom Volk ausging zu Samuel, missfiel Samuel, ne? Und genauso ist es auch bei mir, dass manchmal, wenn ich Dinge höre, missfallen sie mir, weil sie nicht Christus sind, weil sie fleischlich sind. On peut voir que dans verset 6, Samuel n'était pas content du tout que les Israélites demandent un roi. Et on peut voir que ça n'a pas plu à Samuel, tout comme moi aujourd'hui, il y a certaines choses que j'entends quand elles ne sont pas dans Jésus-Christ, en Jésus-Christ qui m'attriste. Praise the Lord. Hallelujah. When they say, give us a king to judge us, and Samuel prayed unto the Lord, so also I prayed unto verset the Lord. 7. When things come, I just go to the Lord. Mm. I genau say, so. Father, this is what is here right now. I know you already know about it. What am I going to do? Und genauso gehe ich auch zum Herrn mit diesen Dingen oder Bitten oder Fragen. Ne? Das, Herr, was soll ich damit tun? Was soll ich damit anfangen? Et moi aussi aujourd'hui, je fais la même chose. Quand il y a des choses qui viennent, qui me plaisent pas, parce que je remarque qu'ils sont pas en Christ, je vais automatiquement vers l'Éternel et je demande, ok, je suis sûr que tu connais déjà la situation, tu connais la situation, dis-moi quoi faire. Verset 7. And the Lord said unto Samuel, hearken unto the voice of the people, in all that they say unto thee. For they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them. They thought that it was Samuel that was even reigning over them, ruling over them. Sie dachten, es ist Samuel, der über sie herrscht. Ich bin nicht derjenige, der über euch herrscht. Es ist der Herr, der durch mich herrscht. Amen. Und l'Éternel a dit à Samuel que le peuple ne veut plus que Dieu lui-même soit leur roi. Parce que ce n'était pas Samuel qui était leur roi, c'était l'Éternel qui était leur roi à travers Samuel. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I will get any place. Mm. They thought they rejected Samuel. Sie dachten, dass sie Samuel verweigert haben. Ils ont cru qu'ils ont rejeté Samuel. But God is saying they are rejecting me. Aber Gott sagt ganz klar, nee, mich haben sie verweigert. Mais Jésus-Christ, Dieu nous dit clairement que c'est qu'ils ont rejeté Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. I hope you get it. Mm. I do things in Christ and never in fear. Ich tue Dinge in Christus und nicht in Furcht. Je fais les choses en Jésus-Christ et jamais dans la peur. I'm no longer of the old man. Weil ich nicht mehr zum alten Menschen gehöre. Parce que je n'appartiens plus à l'ancienne personne. Je suis the old man that was full of fear. Der alte Mensch, der voll vor Furcht war. L'ancienne personne qui était remplie de peur, de crainte. I am of the new man. Ich gehöre jetzt zum neuen Menschen. J'appartiens au nouvel homme. That is full of Christ. Der voll ist von Christus. Qui est rempli du Christ. Amen. Amen. I do things in Christ and not in fear. Ich tue Dinge I know Christ and I know Satan. In Christus und nicht in Furcht, denn ich kenne Christus und ich kenne den Satan. Et je fais les choses en Jésus-Christ et pas dans la peur parce que je connais le Christ et le diable. I know the lies of Satan. Ich kenne die Lügen des Satans. Deceitful he is. Ich weiß, wie wie trügerisch er ist. Je connais les mensonges du diable, je sais à quel point il est capable de confondre les gens. I know how he wants to steal, kill and destroy. Ich weiß, wie how he still got children, the joy, the peace. If he cannot even take you away from heaven, that you do not make heaven, but he will bring that tears into your eye that you will cry and weep. Ich weiß, wie stehlen, töten und zerstören will. Und selbst wenn dich jetzt nicht physisch umbringen kann, dass dennoch für Trauer und Traurigkeit sorgen will in deinem Leben. Je sais que, je sais à quel point il essaie toujours de voler, de détruire et de tuer. Et même s'il n'est pas capable à empêcher que tu ailles au royaume des cieux, il va quand même faire de sorte que tu sois attristé, que tu pleures et qui te perturbe. 2. Korinther 2, Vers 11. 2. Korinther 2, Vers 11. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He said, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Mm. He does not want us to be ignorant of the lies of Satan. Satan's trick. Mm-hmm. Here it talks about verse 10. To whom you forgive anything, I forgive also. It talks about forgiveness. Amen. Mm-hmm. You know, in everything, we are not to be ignorant of Satan's devices. In everything. Die Listen des Satans sollten uns nicht unbekannt sein. Wir müssen wissen, wie er arbeitet und wie er wirkt. Mm. On doit connaître les mensonges et les intentions du diable. On doit. Praise the Lord. Hallelujah. On doit connaître ses ruses. Satan is a thief. Der Satan ist ein Dieb. Le diable est un menteur, un voleur, pardon. He knows how to steal very well. Er weiß, wie man klaut. Il sait comment voler. Your joy, your peace, your Freude, rest. Frieden, Ruhe. Amen. Comment voler ta joie, ta paix, ton calme. He will want to control. Er will alle das kontrollieren. Il veut tout contrôler. We should never allow him in any way. Wir dürfen ihm diese Befugnis nicht geben. Wir dürfen ihm keinen Zugang zu diesen Dingen geben. Et on doit pas permettre qu'il soit au contrôle de ces choses-là. Il doit pas contrôler nos joies, notre joie ou notre paix ou quoi que ce soit. Romains 2, Vers 8. Amen. Romains 2, verset 8. 2, 8, non? Romains 8. Non. Ok, Romains 8. Oh. Romains 8, verset 15. Romains 8, 14. He said, for you have not received the spirit of bondage again to fear. We don't have the spirit of fear. Wir haben kein Geist der Furchtsamkeit bekommen. Amen. On n'a pas l'esprit de peur, de crainte. Romains 8, verset 15. Are you finished? Mm-hmm. I don't have the spirit of fear. Ich habe nicht den Geist der Knechtschaft. Amen. Et on a pas non plus l'esprit de d'esclave. I once have it when I was in the world. But now I have the spirit of Christ. Ich hatte diesen Geist der Knechtschaft, als ich noch ein Knecht war, ein Knecht der Welt, aber jetzt bin ich gehöre ich zu Christus. J'avais cet esprit quand j'étais encore un esclave de ce monde, mais maintenant j'ai l'esprit de Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Amen. Because I know how the Lord loves me. Denn ich weiß, wie sehr der Herr mich liebt. Parce que je sais à quel point l'Éternel m'aime. Amen. Amen. His spirit in me helped me to know He is my Father. Sein Geist in mir bezeugt, dass er mein Vater ist. Et son esprit en moi nous fait comprendre qu'il est mon Père. Look at it. Et ça, c'est on peut le reconnaître dans la partie B de verset 15. He said, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Mm. Amen. Und ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem ihr ruft, Abba, Vater. Amen. Mm. Je les ai laissés. Et l'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet esprit, nous crions vers Dieu en lui disant Abba, Père. Amen. Amen. In 1 John 4:18. In 1 Johannes 4:18. 1 Jean 4, verset 18. Amen. Amen. If you really know how Christ loves you. Wenn du wirklich weißt, wie sehr you Christus will dich liebt, not have any fear. Wirst du keine Furcht haben, du wirst nicht in Furcht leben. Amen. Et si tu es vraiment conscient de l'amour que Dieu a envers toi, tu n'auras jamais peur. Weil die vollkommene Liebe die Angst vertreibt. Es gibt keine Furcht in der Liebe. Parce que l'amour parfait chasse la peur. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, il n'y a pas de peur dans l'amour. Amen. Amen. Anytime anything fear comes, just remember how much he loves you. Und sobald irgendwas mit Furchtsamkeit kommt, dann erinnere dich daran, wie sehr er dich liebt. Das wird diese Angst verscheuchen, vertreiben. Et à chaque fois que tu es dans une situation où tu commences à avoir peur, rappelle-toi de l'amour de ton père envers toi et ça va chasser cette peur, cette crainte. There is no fear in God. Denn es gibt keine Furcht in Gott. Amen. Il n'y a pas de crainte en Jésus-Christ. Il n'y a pas de peur en Dieu. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Paul was not afraid of man. But sometimes it's as if he was afraid. So also is God himself. Sometimes we do things as if, once he's doing things, people always want to see that he's afraid. Paulus hatte keine Angst vor Menschen. Manchmal hat er Entscheidungen getroffen und Dinge gesagt, die so scheinen, als ob er Angst hätte. Genauso wie Gott, dass manchmal hat Gott Dinge getan oder gesagt, die so scheinen, als ob ihn, ob er Angst vor etwas hätte oder in Angst wandeln würde. Paul n'a jamais eu peur de l'homme, mais de temps en temps, les choses qu'il a dit, les choses qu'il a fait, on peut croire qu'il a eu peur des êtres humains, tout comme Dieu, dans certaines actions, dans certaines phrases qu'il a dit, on peut croire qu'il a peur ou crainte de quelque chose, mais ce n'est jamais le cas. 1 Corinthiens 2, de 1 à 5. He said, and I, brethren, came when I came to you, came not with excellency of speech. Of wisdom declaring unto you the testimony of God. That is the message. Das ist die Botschaft. The preaching was not, you know, amen, with good words. Die Predigt war nicht mit vielen Fachbegriffen. Donc, moi-même, frères et sœurs, chrétiens, je suis venu chez vous annoncer le projet caché de Dieu, mais je ne le fais pas avec des paroles compliquées ni avec des connaissances extraordinaires. Donc, vous pouvez voir que la parole de Dieu n'a été transmise d'une manière normale, pas avec une avec Die Botschaft, die ich predige, ist das Zeugnis Gottes. Amen. Le message que je prêche est le témoignage de Dieu. Praise the Lord. Halleluja. Amen. You know, people have different testimonies. God also have his own testimony. Haben unterschiedliche Zeugnisse, aber Gott hat auch sein eigenes Zeugnis. Les gens ont des témoignages différents, tout comme Dieu lui-même a son propre témoignage. Christ have his own testimony. Christus hat sein eigenes Zeugnis. Le Christ a son propre témoignage. His message is his testimony. Seine Botschaft ist sein Zeugnis. Son message est son témoignage. Praise the Lord. Halleluja. His message is also his prophecy. Seine Botschaft ist auch seine Prophezeiung. Parce que son message est aussi en même temps sa prophétie. Vers 2. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and him crucified. Vers 3. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. You see there? Mm-hmm. In weakness, in Schwachheit, fear, in Furcht. And in much trembling. Und Zittern. Moi-même, devant vous, j'étais faible, j'avais peur, je tremblais. It's as if somebody was afraid. But he was not afraid. Es scheint so, als ob jemand Angst hat, aber er hatte keine Angst. On peut croire qu'il avait peur, mais il n'avait pas peur de l'homme. Verse 4 said that my speech and my preaching was not with enticing words of men's wisdom, but the demonstration of the Spirit and of power. Amen. That your faith should not stand in the wisdom of men, yes, but in the power of God. Amen. Oh, praise the Lord. Halleluja. Amen. Und meine Rede und meine Verkündigung bestanden nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern nur auf Gottes Kraft. Amen. Ma parole et mon enseignement n'avaient rien à voir avec les discours convaincants de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit Saint qui apparaissait clairement dans ce que je disais. Ainsi, votre foi ne peut pas s'appuyer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Amen. You know, when I'm reading such places, I just see myself in it. Wenn ich diese Stellen lese, dann sehe ich mich selbst darin. Et quand je lis ces versets ou ces passages, je me retrouve, je me reconnais là-dedans. Amen. Amen. In English, nothing. Everything, nothing. But Christ is the real one. Amen. The real truth. Yeah. Das heißt, das gebrochene Englisch, die gebrochene Aussprache. Aber Christus ist alles. Amen. Parce que mon anglais n'est pas le meilleur, mais tout ce que je prêche, c'est seulement Jésus-Christ, il s'agit seulement de Jésus-Christ. Amen. You know, here in Europe, in Germany, until you are a professor, you cannot be a pastor. You have to go to university. Und hier in Europa oder in Deutschland did beispielsweise. Have to have young Jesus? Because Jesus did not go to heaven. Where did they get it from? I don't know. Und beispielsweise in Deutschland ist es normal, dass du studiert haben musst, damit du ein anerkannter Pastor bist. Ne? Und ich frage mich, woher sie diese Lehre, woher sie diese Anweisung sich holen. Anscheinend haben sie einen anderen Jesus, der ihnen eine andere... der anderes von ihnen fordert, ne, um ihm nachzufolgen. Und das ist einfach nur Religion. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui Papa vient aussi de rajouter que par exemple en Amérique il y a des églises sont pour les noirs ou pour les blancs ou quoi que ce soit, parce que maman avait d'abord expliqué que ici en Europe ou surtout ou en Allemagne, afin de devenir pasteur, tu dois étudier la théologie, des trucs comme ça. Et là, tu oublies qu'il s'agit vraiment, et dans la théologie et tout ça, il s'agit seulement de la religion et pas vraiment du message de Jésus-Christ. Il s'agit jamais de la vérité. Et c'est la raison pour laquelle si tu approches la Bible ou approches Jésus-Christ sous un aspect intellectuel, tu vas toujours créer ta propre doctrine. Mais si c'est le Saint-Esprit qui t'explique la parole de Dieu, qui te révèle la vérité, là on sera tous unis. You know, Paul that went to school, he said, I call it shit. Und Paulus, but Peter did not was on land. Und der Paulus, der so diese ganze Ausbildung hatte, er nennt sie Mist, er nennt sie Dreck. Oder auch Petrus, der ungelernt war, ne, und das war alles keine Voraussetzung, Christus zu folgen. On peut voir que pour suivre Jésus-Christ, tu avais pas besoin de diplôme, parce que Pierre n'avait pas de diplôme ou quoi que ce soit. Et la personne qui avait des diplômes a dit que tous ceux qu'il a, tous ces diplômes sont ne servent à rien, c'est la poubelle. They always want to see how qualified you are in the flesh. Aber in der Welt wollen die Leute immer eine weltliche, eine fleischliche Qualifikation, weil nur das können sie messen mit ihren Augen. Malheureusement, le monde veut toujours voir une qualification naturelle, parce que c'est la seule chose qu'ils peuvent mesurer, qui peuvent juger, on peut dire. Amen. Yeah. The flesh can never qualify you for anything. Aber das Fleisch kann ich für nichts qualifizieren. Der Herr sucht nicht nach irgendwelchen Leuten, die qualifiziert sind im Fleisch, sondern wer sich demütigt vor ihm. Amen. Parce que pour l'Éternel, ton éducation n'est pas importante. Il ne va jamais chercher quelqu'un qui est... Enfin, il peut le faire, mais ce qui est important, c'est si tu es capable à t'humilier, à te soumettre à Jésus-Christ, à sa vérité, à sa parole, et pas si tu as si t'es un docteur ou un professeur ou quoi que ce soit. Praise the Lord. Hallelujah. Paul was not afraid of man. Paulus hatte keine Angst vor Menschen. Paul n'avait pas peur de l'homme. But he was in fear. Aber er war in Furcht. Mais il avait peur. Amen. God kind of fear. Gottes Art von Angst. Et ça, c'était pas la peur de l'homme comme tel, mais c'était la peur de Dieu, la crainte de l'Éternel. You know, sometimes the Lord is doing things. He's saying things. It's as if he's afraid. Go to John 14. Johannes 14. Verse 30. Johannes 14, 30. Verset 30. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He's not afraid of anything. Er hat vor nichts Angst. Jean 14. Selbst Jesus hat uns gesagt, wen wir fürchten sollen. Jesus Christus lui-même nous a dit de qui avoir crainte, de qui avoir peur. Look at it here. He said, hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world cometh and have nothing in me. Praise the Lord. Hallelujah. It is as if he's afraid of the prince es of ist so, als ob Jesus hier Angst hat vor dem Fürst dieser Welt, dem Satan. Je ne vais plus parler beaucoup avec vous parce que le chef mauvais de ce monde vient. Il ne peut rien me faire. On peut croire que Jésus-Christ avait peur du diable. Amen. You know, a lot of times they want to kill Jesus. They were always seeking to kill him, to destroy him. Amen. You know, and a lot of times he'll always walk away. Und oft haben die Leute versucht, Jesus zu schnappen, ihn zu töten, zu steinigen, aber er ist oft einfach davon gegangen sozusagen, weil wir versuchen Gott nicht. On sait que souvent les gens ont cherché à tuer Jésus-Christ ou alors à l'emprisonner ou quoi que ce soit, mais il a toujours échappé parce que il a jamais tenté l'Éternel. Amen. God is not afraid of anybody. Gott hat vor nichts und niemandem Angst. Dieu ne craint personne. Amen. Look at Matthew 2. Matthew 2. You know, people might even see here as fear. Matthäus 2, Leute könnten diese Stelle vielleicht sogar als Angst lesen. Les gens peuvent croire que Jennifer will have on parle de peur, là. Amen. Matthew 2. Matthäus 2. Matthew 2. Help us to read 1 and 2. 1 und 2. Sorry, verset 1 et 2. Als in Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Praise the Lord. Hallelujah. Now, when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. Verse 2, saying, where is he that is born king of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship him. Verse 3, when Herod the king had heard these things, he was troubled and all Jerusalem with him. Verse 4. Fear. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. And they said unto him, in Bethlehem of Judea. For thus it is written by the prophet, and thou Bethlehem in the land of Judah art not the least among the princes of Judah. For out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. Praise the Lord. Hallelujah. If you look at here, it's just, they thought it's all about the flesh. Sie dachten, es geht hier nur um das Fleisch. Flesh in Christ. Es gibt nichts, Fleisch ist in Christus. Amen. On peut voir ici que les hommes ont vraiment cru qu'il s'agit ici vraiment de la chair, mais il n'y a rien de charnel en Jésus-Christ. Verse 7, when Herod had privily called the wise men, inquire of them diligently what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, go and search diligently for the young child. And when you have found him, bring me word again, that I may come and worship him also. When they had heard the king, they departed. And lo, the stars which they saw in the east went with them, till it came and stood over where the young child was. Verse 10. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gift. You see the gift. Amen. They presented unto him gift, gold, and frankincense and might. You know, you have this gift to take care of Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Yeah. Then in verse 12, and being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. They were warned not to go there. Sie waren gewarnt, nicht zurückzugehen. Ils ont été prévenus de ne pas rentrer. Amen. Amen. You know, those that have integrity of this world, they will still go there. Aber die, die auf diesem, I cannot go without. Once I say my yes is yes, my no is no. Aber die Leute, die auf diesem Loyalitätsfilm sind, würden sagen, nee, ich habe ja gesagt, mein ja ist ja, mein nein ist nein. Ich muss zurück und es sagen. Et les gens qui sont trop accrochés à ce monde, à l'intégrité de ce monde, ils seront sûrement retournés vers le roi Hérode. Amen. Then they will say, how would they know that I am? It's God that sent us. Wer soll wir wissen, dass Gott uns geschickt hat? Haben wir Angst vor ihnen? Why don't we just go and tell them, meet them? We are not afraid of this, of the king. Are we afraid of the king? Haben wir Angst vor dem König? Why don't we go there? Deswegen können wir doch zurückkehren und sie ihm einfach sagen, alles gut. On n'a pas peur du roi, c'est la raison pour laquelle on peut même rentrer, retourner vers le roi et lui dire la vérité. Amen. Mm. If he is God, then God can fight for. God is the one that is to protect Jesus Christ. Mm. But God is saying, don't go back there. Mm. Und wenn er doch Gott ist, wenn, dann if wird doch Gott. If the king is going after Jesus Christ, God will still protect him. But let us do and do our own and say it to the king. Und ja, wenn doch Gott in dieser Sache ist, dann wird doch Gott ihn auch schützen, auch wenn wir zurückgehen und Herodes sagen. Aber Gott hat ganz klar gesagt, lass es bleiben. Ne, hört auf, geht nicht zurück. I will not lie because of anybody. Auf ihn. Ne, aber Leute sind dann wieder am Diskutieren und sagen, ja, ich werde wegen niemandem lügen, ich werde auch nicht wegen Gott lügen. Yeah. Mm. Et on peut voir que, enfin, nous aujourd'hui, enfin, le monde aujourd'hui, ou même les rois, vraiment, aurait pu dire que Dieu va protéger son fils, enfin Dieu va se protéger même lui-même, donc même si on peut alors partir vers le roi Hérode et lui dire ce qu'on a trouvé l'enfant promis, mais et même aujourd'hui on va se dire que on va jamais mentir pour Dieu ou quoi que ce soit, mais si c'est vraiment l'Éternel qui t'envoie, tu t'obéis à ce qu'il te fait. Praise the Lord. Hallelujah. If you look at here, a lot of dreams are here. Here the dream, in the dream. Do you see it there? Mm-hmm. In verse 12. Then verse 13 talk about another dream. Mm-hmm. The old was all about dreams a lot. But now it's about the truth. Und wir sehen hier, ne, war es durch einen Traum. They don't have the truth then. Und hier war es auch wieder durch einen Traum, wo sie die Anweisung bekommen haben. Und auch im nächsten Schritt, auch in Vers 13, sehen wir auch wieder, dass es einen Traum gibt, der ihnen erscheint. Und im Alten basiert das sehr oft auf Träumen. Aber jetzt ist es die Wahrheit, die uns leitet und die uns Anweisungen gibt, was wir zu tun und was wir zu lassen haben. On peut voir dans verset 12 et 13 que l'Éternel leur a parlé à travers des songes, à travers des rêves, parce qu'ils n'avaient pas encore la vérité. Mais aujourd'hui, nous, on a la vérité et c'est sa parole, c'est Jésus-Christ qui nous guide. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 13 said, and when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Amen. Saying, arise and take the young child and his mother and flee into Egypt. Run for your life. Flee. You see, it says flee. Flee nach Ägypten. Is God, was God afraid? War Gott in Furcht? Hat er Angst? Verset 13, quand les sages sont partis, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve. L'ange lui dit, lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, pars vite pour l'Égypte, reste là, pars vite pour l'Égypte. Donc ils ont fui, mais juste parce qu'ils ont fui, ça ne veut pas dire que l'Éternel avait peur. If I tell you don't travel, that does not mean I'm afraid. Wenn ich sage verreisen, heißt das nicht, dass ich Angst habe. Si je dis par exemple de ne pas voyager, ça ne veut pas dire que j'ai peur. Amen. Amen. He says, run away. God was not afraid of King Herod. Gott hatte keine Angst vor König Herodes. Er ist der Schöpfer. Dieu n'avait pas peur du roi Hérode. Il est le Créateur. But here he's telling somebody run away. Aber dennoch sagt hier jemand flieh. Mais là, on peut quand même voir qu'il a dit à Joseph de fuir, de partir vite. You know the world today. Once you just tell them don't go there, they will say it's afraid. Aber die Welt heute würde das direkt als Angst deuten. Das Flieh, was? Okay, krass. Anscheinend hat er Angst, aber wir folgen vor Christus. Ich habe vor nichts Angst. Et le monde aujourd'hui va toujours croire qu'on a peur ou quoi que ce soit, mais je ne crains rien. Amen. Amen. I'm not afraid of anything, but I know Christ. Ich habe keine Angst vor irgendwas. Aber ich kenne Christus und ich kenne den Satan. I know Satan, that he's a thief. Dass er ein Dieb ist. Ouais. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit, mais je connais le diable. Je sais qu'il est un voleur. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. And his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word. For Herod will seek the young child to destroy him. You have to be in the spirit to know that this is, you know, that God was not afraid here. Du musst im Geist sein, zu erkennen, dass Gott hier nicht Angst hatte und deswegen so gesprochen hat. Tu dois être dans l'esprit pour comprendre que Jésus, que Dieu n'avait pas peur. Praise the Lord. Hallelujah. Joseph a fuir avec sa famille. And he waited until the king died. Look at it. Und hat gewartet, bis der König gestorben ist. 14. When he arose, he took the young child and his mother by night and departed into Egypt. 15. And was there until death of Herod, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, out of Egypt have I called my son. Verse 16. 16. Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth and slew all the children that were in Bethlehem, and all the coast thereof, from 2 years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men, because of one person. Praise the Lord. Diese ganze Aktion wegen einer Person. 1000 will fall on this side, 10,000 on the other side. It will never come near. 1000 werden links fallen und andere 1000 auf der anderen Seite. Aber es wird uns nicht nahe kommen. Er weiß, wie er seine Kinder, sein Volk schützt. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qu'ils étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont ils s'étaient soigneusement inquiets auprès des mages. Mais on peut voir que même si Praise the Lord. Hallelujah. Si tu tombes à ma gauche, dis-moi, peux tomber à ma droite, mais si tu es en Jésus-Christ, tu ne seras jamais atteint. Amen. Verse 17. Then was fulfilled that which was spoken by Jeremiah, the prophet, saying, you know, our life is a prophecy. Unser Leben ist eine Prophezeiung. Amen. You know, when I was... When I was... In primary school, or let me say secondary school, people were already seeing me as a pastor. My sister, they always say you are going to be working for God. I said, I was, it's not God hater, but religious hater. I was already a religious hater there. Mm-hmm. Amen. I thought it was even God. Because anything God, I don't want to have anything to do with it. Mm-hmm. Amen. Amen. You know, it has been written that, you know, just like it's written here. You see it here. Mm-hmm. And there was fulfilled that which was spoken by Jeremiah, the prophet, saying, you see it? Mm-hmm. Verse 18. Mm-hmm. In Ramah was there a voice, heard, lamentation, and weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, mm-hmm. and would not be comforted, because they are not. Do you see that? Mm-hmm. Praise the Lord. Unser Leben ist eine Prophezeiung. Und auch in meinem Leben erkenne ich das. Selbst als ich schon auf der weiterführenden Schule war, haben meine Geschwister mir schon gesagt, dass ich auf jeden Fall eine Frau Gottes sein werde und für Gott arbeiten werde. Und ich habe das nicht verstanden, weil ich habe damals alles, was mit Religion, was mit Gott zu tun hat, gehasst, weil ich es einfach als Fake gesehen habe und als Schwätzerei angesehen habe. Deswegen habe ich diese Dinge eher verachtet und mich davon ferngehalten. Aber dennoch haben meine Geschwister mich daran gesehen. Ich habe damals die Religion verachtet, habe aber geglaubt, dass es Gott ist, weil für mich Gott und Religion das Gleiche war. Aber heute weiß ich es besser. Et on peut voir que nos vies sont des prophéties. Parce que moi, par exemple, quand j'étais encore en maternelle, mais déjà là, mes frères et sœurs me disaient que un jour tu seras tu vas servir l'Éternel, mais moi je comprenais pas parce que je détestais la religion et en même temps je détestais Dieu, parce que pour moi Dieu et la religion c'était la même chose. Mais on peut déjà voir que là il y avait certains gens déjà qui avaient reconnu ce qui était écrit dans ma vie, tout comme ici on peut aussi voir que Jérémie avait aussi prophétisé ouais. Donc si tu lis de 17 à 19 ce qui s'est passé à Rachel. Tania, help us to read verse 19. Und das geht nicht nur für mein Leben, sondern auch für euer aller Leben. Ja. Et ça c'est pas seulement valable pour ma vie, mais pour aussi pour toutes vos vies. Mm-hmm. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef in Ägypten im Traum. 20 und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und ziehe in das Land Israel. Denn die, den Kind nach dem Leben trachten, sind gestorben. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, saying, arise and take the young child and his mother and go into the land of Israel, for they are dead, we sought the young child's life. Mm-hmm. And he arose and took the young child and his mother and came into the land of Israel. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord waited. Was der he afraid? Hat gewartet. He's never afraid. Aber hat but it is not his will that any should perish. Mm-hmm. He wanted them to repent. Mm-hmm. Hat niemals Angst, aber er hat ihnen Zeit gegeben, Buße zu tun. Wollte, dass sie Buße tun. Mm-hmm. Et on peut voir que l'Éternel avait donné le temps à Hérode et à toutes les personnes qui voulaient faire du mal à Jésus-Christ à se repentir. Praise the Lord. Hallelujah. He always gives people time. Er gibt Leuten immer Zeit, Buße zu tun. Il donne toujours le temps aux gens à se repentir. Mm. That's how he operates, or he flows through me also today. Und so handelt und funktioniert er auch durch mich hindurch. Et c'est aussi de la même manière qu'il travaille à travers moi et qui travaille à travers moi. Wenn ich Dinge tue, scheint es von außen, als ob ich Angst habe, aus Angst agiere. Et de temps en temps, quand je fais des choses, les gens peuvent croire que j'ai la crainte de l'homme. If I'm saying don't go there, it's as if I'm afraid. Wenn ich sage, geht nicht dahin, scheint es so, als ob ich Angst habe. Ich habe vor nichts Angst. Si je dis par exemple ne partez pas à cet endroit, on peut croire que j'ai peur de quoi que ce soit. Ich hasse es einfach, dem Satan zu gehorchen. C'est juste que je déteste de obéir à la voix du diable. I don't want to obey the voice of Satan. Ich will nicht der Stimme des Satans gehorchen. Und ich will auch nicht, dass irgendeiner in meiner Nähe das tut. Je déteste d'obéir à la voix du diable. Et je déteste si quelqu'un qui est proche de moi le fait. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In Luke 4. Let's quickly go to Luke 4. Lucas 4. Luke 14. Luke 4, pardon. Amen. Amen. No matter how beautiful that voice is. Egal wie schön diese Stimme ist, prüfe sie. It is not of Christ, what you are hearing. Amen. Wenn sie nicht von Christus ist. Don't tempt God. Versuche Gott nicht. Ne tente pas l'Éternel. Praise the Lord. Halleluja. Luke 4. Lukas 4. Luke 4. We'll quickly go to 1 to 13. Amen. Lukas 4, 1 bis 13. Praise the Lord. Amen. Amen. Luke 4. And Jesus, be full of this Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. He was full of the Holy Ghost. Er war voll vom Heiligen Geist. And was led by the Spirit into the wilderness. Und wurde durch den Geist geführt in die Wüste. Verse 2. Being 40 days tempted of the devil. Amen. Here he was. He was led by the Spirit. Er war durch den Geist geleitet, durch den Heiligen Geist dahin geleitet. Il a été guidé par le Saint-Esprit. Es gab eine Versuchung dort. Il y avait une tentation là-bas, mais il a été quand même mené, guidé par le Saint-Esprit. Praise the Lord. Hallelujah. And in those days he did eat nothing. And when they were ended, he afterward hungered. Verse 3. And the devil said unto him, if thou be the Son of God, command this stone that it be made bread. And Jesus answered him, saying, it is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God. You can see the answer. Jesus did not say, okay, let me just prove it to you. Jesus hat gesagt, okay, people will be proving it. Ich zeig's dir, ich beweise es dir. Heutzutage werden Leute Dinge beweisen. Ich muss meine Kraft behaupten. Amen. On peut voir, let us prove it that we can heal somebody. Lass uns beweisen, dass wir jemanden heilen können. On peut voir que verset 3, le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et on peut voir que Jésus-Christ n'avait, pour lui, c'était pas important ou alors c'était pas essentiel de prouver au diable de quoi il est capable ou qui il est. Mais aujourd'hui, d'autres personnes l'auraient directement prouvé, l'auront fait pour prouver au diable qu'ils sont puissants, qu'ils ont de la force ou quoi que ce soit. Non, mais c'est pas ça qui est important. You know, Jesus is so wonderful. He's so wonderful. You just told Satan himself to become bread. Tell me that you tell his stone is not enough, but you. Now you want to become. Er hätte aus ihm selbst Brot machen können. Er hätte sagen können, was für eine Brotsorte denn am besten. Ne? Also der hätte ihn wirklich herausfordern können und ihn wirklich aus einem belegten Brötchen machen können. On peut voir vraiment que Jésus est merveilleux parce qu'il n'aurait pas seulement pu transformer cette pierre en pain, mais il aurait pu même transformer le diable en pain ou quoi que ce soit. Mais non. You know, Jesus just look at him and said, you are nothing. Oui. Just look at him, just. I don't have time. I don't want to waste my time with you. Ich will meine Zeit nicht verschwenden mit dir. Ne? Das ist, als ob ich mir Boxhandschuhe suche, um eine Fliege zu töten. Also es nützt nichts, bringt nichts. On peut vraiment voir que Jésus-Christ n'avait pas le temps pour le diable. Il voulait pas lui prouver quoi que ce soit. It's like a small boy, just a little boy, like coming, telling you, I said, you come and we will beat you. You say, who is this? That even your kick alone, you will go and find yourself serving Sabele. Just like this. Here we go. Praise the Lord. Yeah, this is what you, know, people, you can see the Jesus just look at it. Mm-hmm. It is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God. Amen. Und es ist so, als ob ein kleiner Junge noch ankommt und dich verprügeln möchte. Ne? Und du musst dich erstmal umdrehen, weil du erstmal gucken musst, wo die Stimme erstmal herkommt, weil du dich nicht mehr siehst. Und dann guckst du nach unten, dann siehst du ihn. Ne? Und dann gibst du ihm einen Kick und dann ist er auf der nächsten Autobahn. Ne? Landet er. Ne? Und du drückst ihn erstmal so runter und er ist weg unter deinen Schuhen. Also... Il veut s'en faire. On peut comparer cette situation à un petit enfant qui vient vers nous et qui dit qu'il veut se battre avec nous alors qu'il va nous taper. Mais si c'est vraiment un petit enfant de 2 ou 3 ans, tu es conscient que si tu mets un coup qui va plus jamais se relever. Praise the Lord. Hallelujah. What can you prove to a liar? Was kannst du einem Lügner beweisen? Qu'est-ce que tu peux prouver à un menteur. Amen. Mm. It's, you know, the belief, they always say, if you are fighting with a madman, you are also mad. If you are fighting with a madman, you are also mad. You understand? That is how Jesus saw that. How will I be equally yoked with you? There's no comparison at all. Und in Benin sagt man jetzt sogar, dass wenn du mit einem Verrückten diskutierst und dich darauf einlässt, bist du selber verrückt. Ne? Weil wieso tust du das? Ne? Wieso stellst du dich auf die gleiche Ebene mit dieser Person und streitest dich oder kämpfst mit dieser Person? Und das ist ja das, was auch hier passiert, dass der Herr sagt, ich werde nicht mit dir gleichgesinnt sein, weil du meiner nicht würdig bist. Et, wow. Und Nigeria, par exemple, ils disent que si tu te bats ou si tu discutes avec une personne qui est folle, qui est fou. Folle. Ça veut dire que toi aussi tu es fou. Donc c'est la même chose que Jésus-Christ a fait avec le diable. Il se dit, mais tu n'as même pas mon niveau, tu atteins même pas ma cheville. Pourquoi je vais discuter avec toi, je vais essayer de te prouver quoi que ce soit. You know, religious today, we want to see it as, okay, let us really prove it. Can you turn the stone to bread? Mm-hmm. Are you getting it? Just like Elijah caught fire from heaven. They go there. Amen. Mm-hmm. But Jesus here is saying, I don't need to prove anything to a liar. Mm-hmm. The father of lies. Yeah. Und Religion würde das als Gelegenheit nutzen, um Gottes Kraft zu zeigen. Und genauso wie auch Elijah, und würde darauf verweisen, ja, Elijah hat es doch auch gemacht, der hat doch auch Feuer vom Himmel gerufen. Aber wir werden einem Lügner uns nicht vor einem Lügner behaupten wollen. Ja, Vater Lügen. De prouver quoi que ce soit un menteur, surtout pas au diable qui est le père de tout, le père des mensonges. Parce que quand le diable a tenté Jésus-Christ, la religion aujourd'hui va dire que ouais, non, prouve que t'es vraiment le fils de Dieu, que t'es vraiment Dieu. Amen. Et ils vont aussi dire que Élisée, par exemple, il a aussi demandé à Dieu de faire quand le feu est tombé du ciel, hein, là aussi ils vont essayer de connecter ces deux versets, mais on doit jamais prouver quoi que ce soit un menteur, surtout pas au diable qui est le père de. Praise the Lord. Hallelujah. No, there's nothing long. Is it in Dutch? Long. When you are dealing with Satan, it's like that of Elijah calling fire from heaven. Did he even change them? Go and read them. They were not changed. The king went home. It was there, but Jezebel. Elijah himself had to start running. Mm. It did not change anything. No miracle. Mm. Look at the first, all the miracle in Israel that God did before the children of Israel. Mm. They left there, they complain. Es lohnt sich nicht, dem Satan irgendwas zu beweisen, weil am Ende des Tages die Menschen kehren dennoch nicht um. Ne? Wir sehen das ja auch bei Elijah. Was ist danach passiert? Und dennoch hat Jezebel sich nicht davon überzeugen lassen, hat ihn immer noch gesucht und versucht, ihn zu töten. Ne? Also das zeigt, dass es nützt nichts, diese Menschen durch Wunder zu beeindrucken oder sie zu sich zu ziehen. Let God just do it now, so that people will Et même avec Élisée, on peut voir que les miracles qu'il a fait, ça n'a rien changé parce qu'il a dû même fuir à la fin. Hein. Et c'est la même chose aussi avec les enfants d'Israël. Combien de miracles ils ont vu hein, que Jésus-Christ a fait. Mais quand même, à la fin, ils ont jamais cru. Donc, ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne doit jamais essayer de prouver quelque chose, quoi que ce soit, surtout à un menteur. Praise the Lord. Yeah. And if I see, please, we quickly go through, please. The time has really gone. And the devil said unto him. Okay, from verse 5 now. Verse and six. The devil taking him up into an high mountain, showed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time. And the devil said unto him, all this power will I give thee, and the glory of them, for that is delivered unto me, and to whomsoever I will give it. If thou will, therefore will worship me, all shall be done. And Jesus answered and said unto him, get thee behind me, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord your God, amen, and him only shalt thou serve. Amen. Verse 9. Nine. And he brought him to Jerusalem, and set him on the pinnacle of the temple, and said unto him, if thou be the Son of God. You know, this doubt, you always want to plant doubt. Amen. You can see it's always doubt. To doubt your identity. To doubt who you are. Identity. If you are the Son of God, are you really the Son of God? Mm. Is somebody getting something here? Er will also eine Identität entfaltet. So that it to you. No matter what. Yeah. Are you getting it? Wir sehen hier in allen Versuchungen, versucht er ihn seine Identität schlecht zu reden oder ihn überhaupt dazu ins Wanken zu bringen, ne? in Frage zu stellen, seine Identität. Und das wird der Teufel auch immer wieder bei uns versuchen. Wir dürfen uns halt nicht zulassen. Wir müssen gefestigt seine Identität, damit egal welche Lüge kommt, das abprallt. Et on peut voir que le diable, il a toujours essayé de créer un doute en Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ commence à douter son identité, sa personne. Et c'est la même chose qu'il fait aussi avec nous. Donc il essaie toujours de créer un doute, et dès qu'il est là, on ouvre une porte pour le diable. If you are the Son of God, why are things not working? Mm. Why did you not pass? Why are things upside down? Look at them, they have money, you don't have. Well, if you are really the Son of God, are you getting it? Why are you sick? Mm. Upon all your prayer, upon all your prayer, you are not still here. If you are always sick, if you are the Son of God, why are you still in pain? Mm. Don't let you know the same thing he did with Jesus, he's still doing it with us today. Ja, das Gleiche, was er mit Jesus hier getan hat, tut er auch mit uns. Dass er sagt, weshalb bist du denn immer noch auf dein Gehalt angewiesen? Weshalb hast du immer noch kein eigenes Haus? Weshalb bist du immer noch krank? Weshalb bist du immer noch alleine? All diese Dinge wird er versuchen, dir zu sagen, um dich mit den Leuten dieser Welt zu vergleichen und zu sagen, ja, die haben das aber alles, obwohl sie Jesus nicht haben. Was stimmt denn bei dir nicht? Und du darfst ihm auf jeden Fall kein Ohr schenken, denn er ist ein Lügner und der Vater aller Lügen. Und da war man sagen, dass il va nous tenter avec la même chose qu'il a. Il va nous ramener la même tentation avec laquelle il a tenté notre Père. Donc, il va nous dire si tu es vraiment fils de Dieu, ok, pourquoi tu n'as pas d'argent? Si tu es vraiment fils de Dieu, pourquoi tu as toujours des douleurs? Pourquoi tu es toujours malade? Si tu es vraiment fils de Dieu, pourquoi ceci, pourquoi cela? Et on ne doit jamais entendre ces mensonges, on ne doit jamais le voir, nous voir comme lui nous voit, mais plutôt nous voir quand Jésus-Christ nous voit. Amen. Amen. If you are the Son of God, why did they hate you? Mm-hmm. Amen. Yeah. Remember, you have to remind Satan why that they hated Jesus. They hate Jesus also. So you are not different from Christ. Amen. Genau, sie versuchen, und da wird er auch sagen, okay, weshalb wirst du dann gehasst, wenn du der Sohn Gottes bist? Und wirst du sagen, ja, ich will, sie haben auch Jesus gehasst, deswegen werden sie auch mich hassen. Ich will auch nicht von den Leuten geliebt werden, die dich lieben. Ouais. Donc il va te demander, ok, si tu es vraiment fils de Dieu, pourquoi le monde te déteste, pourquoi ta famille te déteste ou quoi que ce soit. Mais tu dois lui répondre que oui, je suis un fils de Dieu, et s'ils ont détesté mon père, ils vont aussi me détester moi. Et en même temps, je ne veux pas être aimé par les mêmes personnes qui t'aiment, donc le diable qui aime le diable. Praise the Lord. Alléluia. You don't be the Son of God. Cast yourself down. confess. If you are the son of God, you have been praying for your loved ones to be saved. They are not saved up to now. Then, why don't you check it? Are you really the son of God? Mm-hmm. Don't allow him to bring you down. Ja, das ist so. Dass er dir seine eigenen Lügen weismacht, ne? Dass er sagt, wenn du doch ein Sohn Gottes bist, wieso sind denn die Leute, für die du immer noch, für die du betest, immer noch nicht wiedergeboren, ne? Also lass dich darauf nicht ein. Donc on doit jamais jouer son jeu. Il va te dire, ok, si tu pries pour ces personnes, pourquoi ces personnes ne sont pas encore nées de nouveau, quoi que ce soit. Mais il va toujours essayer de nous confondre, il va toujours essayer de planter des doutes en nous. On doit jamais jouer le jeu du diable et toujours le le référer à la parole, le référer à la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. But it's written, it's not quoting Bible. Jetzt zitiert er sogar die Bibel. Angels charge over thee to keep thee. You see Satan quoting the Bible. Bitte den Satan, wie er die Bibel zitiert. Psalm 91, 11. Praise the Lord. Amen. He's quoting the Bible. Er zitiert die Bibel, der Satan. On peut même voir ici que le diable lui-même il a cité la Bible. That he's always a loser. Kenne lieber seine Listen und wisse, dass er ein Lügner ist, ein Verlierer. On doit connaître ses ruses, on doit savoir qu'il est un menteur et qu'il est un perdant et il restera un perdant toujours. Amen. Amen. And in their hands they shall bear thee up, lest at any time that dish thy foot against a stone. You know, yeah, if I do it, God will protect me. Don't tempt God. Amen. If he tell you don't go there, don't go there. Yeah. Look at verse 11. And Jesus answering said unto him, it is said, thou shalt not tempt the Lord your God. Verse 12. Don't tempt the Lord your God. Und in 12 lesen wir, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. No, he can send his angels to be there for me, but don't tempt him. Ja, auch wenn er 12 Legionen schicken kann für dich, dennoch sollst du ihn nicht versuchen, wenn er Nein gesagt hat. Ouais, on doit jamais tenter l'Éternel, même si il est capable à envoyer des légions d'anges pour nous protéger, on n'a jamais tenté l'Éternel. Amen. I know he can protect me, but I will not tempt him. Ich weiß, dass er mich beschützen because kann. I will not go to that very place because his word is against it. Ich werde ihn nicht versuchen, denn sein Wort ist dagegen. Ja. Même si je sais qu'il est capable à me protéger, je vais jamais tenter l'Éternel parce que s'il dit de ne pas aller à un endroit, je vais pas le faire. Amen. Amen. Don't tempt the Lord, please. Versuche nicht den Herrn. Amen. And start telling people that somebody is afraid if you are not tempting the Lord. If they are not tempting the Lord, you are telling them they are afraid. I hope you understand. Once they see people not tempting the Lord, they will say you are afraid. You are in the flesh. Und I will not tempt the Lord at all. I don't want it. I hate it. Und lasst die bitte, I know he can protect me in everything. But I will not be there because he does not want me to be there. Yeah. Und lass dir nicht einreden von Leuten oder von Menschen, dass du in Angst wandelst, weil du dem Herrn gehorchst. Ne? Weil der Satan hätte dir auch sagen können, hey, du hast doch Angst, deswegen machst du es nicht. Aber Jesus ist auch nicht darauf eingegangen. Ne? Er hat sich nicht als Angsthase darstellen lassen, nur weil er dem Herrn gehorcht und den Herrn nicht versucht. Et encore une fois, ne faut jamais tenter l'Éternel. Donc si l'Éternel nous dit de ne pas partir à un endroit ou de ne pas faire ceci ou pas faire cela, on doit obéir à l'Éternel, même s'il est capable de nous protéger dans n'importe quelle situation, on ne doit jamais le faire pour prouver à quelqu'un qu'on n'a pas peur ou quoi que ce soit. Parce que le monde va te dire, ouais, mais si ton Dieu est si puissant, il va te protéger, donc c'est pas un problème si tu te rassembles avec nous, ou si tu viens avec nous, je sais pas, dans une fête ou dans un mariage, ou quoi que ce soit, n'importe quelle occasion, de quelle occasion il s'agit. On doit toujours être conscient qu'on doit seulement être concentré sur Jésus-Christ et pas tenter l'Éternel pour prouver quoi que ce soit au monde. Praise the Lord.